Maurice qui a un message très important à nous communiquer, c'est ça Maurice? Allô, allô, allô, ouais, ça marche, essai, test, micro, 1, 2, test, patate, chaude, patate, froide, patate, tiède, on essaye, on fait pas, patate, purée, purée, on s'en sort pas, patate. Ironique, onirique et pourquoi pas comique, politique, mais aussi sémantique, la patatose. La patate, patatose. La patatose. La patatose. Un petit bonjour à nos amis belges, la patatose. Wesh, wesh. You know it's my when you see. La patatose. Just for once. Tonight. You say it's better if you don't try. Oui, la patatose. Elle écrivait et maintenant elle vous parle à la radio primitive. Mais qui sommes-nous? Des frites? De la purée? Des rostis? Non, pas du tout. Nous sommes ceux qui ont perdu le nord. Les déjantés. Les barrés à l'ouest. Des hommes et des femmes et des aliens. Ou des soignants et des soignés. Ou alors des patients, pas patients, voire impatients. Du centre Antonin Artaud à Reims. Pour sa troisième et pas dernière émission, la patatose est de retour sur les ondes et même aux alentours. Et elle vous dit... C'est pas parce que la loi est passée qu'on va pas continuer à pas se taire. Et d'ailleurs, ailleurs, ensemble, on s'amuse. Alors oui, la loi sur les soins sans consentement du patient suivi en psychiatrie est malheureusement passée et applicable depuis le 1er août. Nous insisterons d'ailleurs parce que nous, c'est nous. Il nous suffit d'être nous-mêmes pour que cette loi soit inapplicable. Écoutez-nous rire et parler à Paris et ailleurs. Regardez qui nous sommes. Monsieur Guyader, Cardèche de la Patatose de Reims, je vous ai vu notamment dans le film de Philippe Borel, je vous ai vu aussi au meeting de Villejuif. Et donc, je tenais à vous interviewer pour savoir un peu votre point de vue et vos différents mécontentements face à cette loi qui risque d'être votée demain. Cette loi est une catastrophe pour la psychiatrie dans son ensemble, dans la mesure où elle va d'abord officialiser le fait que l'on considère les patients comme des gens dangereux. Et il ne faut pas oublier que c'est pour ça que cette loi a été prise. Elle a été faite sur commande du président de la République suite à ce qui s'est passé à Grenoble. Il a dit clairement qu'il y avait des patients qui étaient dangereux, qui étaient dehors et qu'il fallait que ça change. Oui, c'est un moment très important, très très fort. Quelle hospitalité pour la folie avec cette loi honteuse. Le risque zéro, c'est tout le monde au cachot. Citoyens, professionnels, un sursaut républicain. Citoyens, professionnels, un sursaut républicain. Contraint d'appliquer cette loi. Nous refuserons. Contraint d'appliquer cette loi. Nous refuserons. Tiens, tiens, c'est la fête d'été. Alors, je voulais vous interviewer sur la notion du plaisir. Qu'est-ce que pour vous le plaisir? Marie-Cécile, vous voulez nous dire un petit peu ce qu'est pour vous le plaisir? La joie, la bonne humeur, la tendresse, l'amour, l'attention qu'on fait à chacun des personnes qu'on aime. Voilà, voilà. Merci Marie-Cécile. Et Marie qui animait l'atelier Chant du J'aime. Pour vous, qu'est-ce que le plaisir? C'est savoir profiter du moment que l'on passe en prenant un bon repas, en chantant des choses qui nous plaisent, en, en se permettant des choses qui nous plaisent. Merci Marie. Et Béatrice, pourriez-vous nous dire un petit peu, pour vous, qu'est-ce que le plaisir ? Actuellement, le fait d'être ensemble. Le fait d'être ensemble. Ça, c'est du plaisir. Oui. Pur. Pur. Merci Béatrice. Et Dimitri, pour vous, qu'est-ce que le plaisir ? Le plaisir, c'est de profiter de l'instant présent, avoir en ce moment même, avoir des gens autour de moi, pouvoir discuter, se faire entendre, se faire écouter et admettre des choses et les confronter. Et tout ça, ça fait une somme qui provoque du plaisir. Merci Dimitri. Et Sébastien, notre président du GEM, oui. Pour vous, qu'est-ce que le plaisir ? Le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager, le plaisir d'être aimé aussi. Une forme d'amour différente, mais une forme d'amour quand même. Voilà. Merci Sébastien. Et Guillaume, pour vous, qu'est-ce donc que le plaisir ? Alors pour moi, c'est un bon repas entre amis, après une bonne digestion et un peu de sport. Et un peu de sport, ouais. Et voilà. Et Barbara ? Un moment de bien-être que l'on partage à plusieurs. Mm-hmm. Merci. Michael ne veut pas nous dire. Michel ? Je ne vais pas te dire quoi pour l'instant. Alors, je vais réfléchir. Vas-y, réfléchis, toi. Je sais pas. Être avec des gens jeunes. Voilà. Ça suffit, hein. Merci. Quelle hospitalité pour la folie avec cette loi. Elle est maintenant protégée. Elle ne propose que d'enfermer. Elle brise les liens de confiance et l'attend. Nathalie, pourriez-vous me dire, pour vous, qu'est-ce que vous dire ? Pas des auxiliaires de la police qui font le système. Citoyens, professionnels, tu m'embouches un coup. Un sursaut républicain, citoyens, professionnels, un sursaut républicain. Cette loi en fait, honteuse, nous la refusons. Nous la refusons. C'est ça le plaisir, c'est sans fin. Plaisir, c'est la jouissance. Ben, faire l'amour à sa femme, c'est plaisir. Oui, c'est un moment très important, très très fort. Et maintenant, un petit peu de musique. God Stuff avec les B52S. Become my man. c'est le mois d'août, non pas le mois des fous, mais le mois où les certificats médicaux pleuvent sur nos têtes, qui franchement demandent bien autre chose. Alors ce plaisir de vivre ensemble, nous désirions vous le faire partager. Parce que nous, c'est nous. Avec nous, devant le Sénat, il y avait aussi des citoyens, ni des soignants, ni des soignés, mais présents avec nous. D'accord avec le rassemblement aujourd'hui ? Ah ben complètement, on en est même partie prenante. On pense qu'effectivement cette loi est inique et qu'il faut combattre contre. C'est effectivement une loi sécuritaire qui prône l'enfermement des patients et qui contrôle leur gré, peuvent l'administrer des soins. On n'est plus dans la notion de soins, on est dans une notion complètement déviante. Et donc c'est salutaire qu'il y ait des mouvements de ce type-là. Les citoyens devraient se lever effectivement et appeler à la désobéissance. Oui, c'est un moment très important, très très fort. Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'une gamine. Je regardais tomber mes nuits. Et j'en attendais rien. Moi, à Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Un matin, j'ai pris perpète en louant la radio. Ça s'appelait rock and roll. Moi, ça m'a rendu folle. Moi, j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien, mais que ça sonne. Ouh, ouh, ouh. Ça fait 1, 2, 3, poiti mama. 4, 5, 6, I miss you. 7, 8, 9, can get enough. 10, 11, 12, I ain't got the blues. 1, 2, 3, come on baby. 4, 5, 6, a kiss. 7, 8, 9, you want my mind. 10, 11, 12, tell me when. Il paraît qu'il y en aurait qui se donnent pour du pouvoir, pour de l'or. Chacun sa façon de braver son âme. On les plaint pour ce qui... Point, point, point. Alors, oui, la loi sur les souhaits sans consentement du patient suivi en psychiatrie est malheureusement passée et applicable depuis le 1er août. Nous résisterons d'ailleurs parce que nous... C'est nous. Il nous suffit d'être nous-mêmes pour que cette loi soit inapplicable. Écoutez-nous rire et parler à Paris et ailleurs. Regardez qui nous sommes. Chrome Division. Tapes from a distant town. Just feeling fine. entre Français. Dès ce 1er août, malheureusement, la France a honte. Honte d'avoir définitivement enfermé ses fous. Vous voyez comme les rues sont vides. Drôle de vie. La loi sécuritaire de Nicolas Sarkozy est finalement passée. Malgré notre forte mobilisation, nous patients et le nous soignants. Rassurez-vous, quelques îlots de résistance débordent. Comme une résistance froide et passive à un monde, à une France sans fou. L'échange de notre folie mobilisera peut-être vos opinions. Vive le fou, celui qui résiste, conscient que sur lui repose le premier et le dernier obstacle entre lui et la dictature médicale. Seul avec son humanité, alors qu'il reste dans des lieux fermés définitivement à l'originalité. Et c'est un comble afin de rester libre dans sa folie, aussi cohérente soit-elle. Tiens, tiens, voilà un barbecue. Tiens, j'ai dit tiens. Alors Eval, on se demandait aussi, vous aussi, votre point de vue sur la fête. Alors avant la fête, nous avons accueilli des stagiaires qui sont super durant cet été au centre Antonin Artaud, dont Lou qui passe à côté. C'est ça, vous avez tout le monde dans l'air. Et donc... Ben, je trouve que clôturer les vacances pour les stagiaires, mais clôturer aussi ce repas par des gâteaux arabes et un verre de thé à la menthe, c'est génial. Donc se retrouver comme ça à une centaine de personnes, franchement, je sais pas quoi dire d'autre. Oui, parce que pour quelqu'un qui voulait rien dire, je trouve que vous parlez beaucoup. Et maintenant, un petit peu de musique avec les Rita Mitsuko. extrait de poésie de Chantal Chantalier, lu par Julie. Donc, le premier intitulé « Une si longue attente », un carnet de 6 poésies qui a été écrit les 6 et 7 août 2011. Puis le second, « La patience nécessaire », qui contient 7 poésies et qui a été écrit les 7 et 8 août 2011. Une si longue attente. Chaque espoir vient mourir au seuil du soir. Tes yeux brillent dans mes nuits. Je vais chevauchant le destin changeant. À travers les déserts du monde s'écoulent nos amours lentes. Vous, mes amis fidèles, toujours venez me voir. Le mot juste en bouche, la main calme posée, l'oreille ouverte au flot tumultueux de mes yeux zébrés de pluie. Père et mère, qu'il est doux de vous savoir vivant, qu'il est dur de vous voir vieillissant. La patience nécessaire. Ô ma mère, ta vigueur t'anime pendant que la force m'abandonne. Mes pleurs silencieux tombent devant tes yeux aveugles au chagrin de ma vie. Mes cris enfouis tissent un rosier qui abrite nos êtres de pauvreté vêtus. Un carré de liberté à travers la fenêtre démêle mes idées de la matinée. Je m'en vais rejoindre ce lotus blanc de mon jardin d'espérance. Partir à flanc d'oiseau, revenir avec un roseau, rêver pour respirer, rêver pour exister. Un peu de vent dans les branches, des nuages sous l'étendue des cieux. Un zeste de clarté après la pluie dressée. Ton pas nonchalant, ton sourire généreux, ton départ mystérieux et ma route qui continue. Des yeux de jade, la coiffure rousse, le visage laiteux. Vous avancez sur la pointe des pieds, votre corps fin et gracile dans le monde des mendiants. Votre sourire subtil est là. Je marche vers vous. Allez danser à Saint-Jean au musée. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux nouveaux amours quand ils sont dit avec les yeux. Elle, il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait glissée sans volonté sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas prendre la tête, les rêves de l'embrasse, car on croit toujours au nouveau d'amour, quand tout s'en dit avec les yeux. Elle qui aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours au doigt d'amour quand il tombe avec les yeux. Elle aimait tant. Elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait glissée sans volonté sous ses baisers. Cette émission a été réalisée sans contrainte au centre de jour Antonin Artaud à Reims. Parce qu'Artaud fait toujours beau. Alors, participe à cette émission Sylvain, Valérie, Fred. Christelle, Jacques, Romain, Toumout, Daniel, Sacha, Eval, Stan Mouffy, Dominique, Mathieu, Valérie, Youpi, Hervé Villard est pas venu. Et tous les autres, faut bien vous le dire, il y en avait du monde. Jean-Christophe. Ouais. Et Julie. Bientôt pour de nouvelles aventures. Et moi alors Clément. La sirène. Et François.